France Musique. All That Jazz. Aujourd'hui, Django Reinhardt du bal au Hot Club. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 18e épisode de cette émission d'Histoire du Jazz. Et je vous propose un petit feuilleton consacré à l'œuvre de Django Reinhardt. Il était d'ailleurs né en janvier, le 23 janvier 1910, à Liberchy, en Belgique, dans une famille Sinti. En France, on utilise plus couramment le mot manouche. Reinhardt est le nom de sa mère. Pendant ses jeunes années, la roulotte familiale voit du pays, avant de se fixer dans la zone des fortifications du sud de Paris, vers la porte de Choisy, puis la porte d'Italie. Le jeune Jean Reinhardt, dit Django, découvre la musique par la pratique du violon, puis du banjo, et il est sollicité dans l'orchestre paternel. Adolescent, il joue dans les cours d'immeubles, se fait vite repérer dans les cabarets et les bals, et il suscite l'intérêt des accordéonistes pour les accompagner. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux, Jean Vessade, qui lui permet de laisser une première trace enregistrée le 20 juin 1928. Django est ici au banjo, aux côtés de l'accordéoniste et d'un troisième protagoniste qui joue de la jazzoflûte, autrement dit de la flûte à coulisses. Au programme, un succès de Maurice Chevalier signé Borel Clair, Ma régulière, prêtez l'oreille, ça gratte un peu. La régulière de Borel Clair, gravée en juin 1928 par le tout jeune accordoniste Jean Vessade, à peine 17 ans, avec à ses côtés au banjo son aîné Django Reinhardt, un an de plus, donc 18 ans. Au cours de l'année 1928, Django revient en studio pour des séances dirigées par d'autres accordéonistes comme Alexander ou encore Marceau, et sa carrière semble prendre un tournant décisif lorsque le célèbre chef anglais Jacques Hilton lui propose de l'engager, mais le destin en décidera autrement puisque en octobre 1928, à Saint-Ouen, dans le quartier aujourd'hui connu comme les Puces de Clignancourt, la roulotte de Django prend feu. Le jeune musicien est gravement brûlé, notamment à la main gauche. Il devra rester de longs mois à l'hôpital. Son frère Joseph lui apporte une guitare sur laquelle Django se réinvente une nouvelle technique puisqu'il a perdu l'usage de l'auriculaire et de l'annulaire de la main gauche. À sa sortie d'hôpital, le voilà donc guitariste. Il découvre le jazz par l'intermédiaire du peintre et photographe Émile Savitry sur la Côte d'Azur et c'est là qu'il intègre l'orchestre du Lido de Toulon dirigé par le contrebassiste Louis Vola. Voici les premières traces enregistrées de Django, cette fois-ci à la guitare. Nous sommes le 28 mai 1931, il a donc 21 ans. Carignosa, un tango enregistré par Louis Vola et son orchestre du Lido de Toulon, avec le jeune Django Reinhardt pour la première fois enregistré à la guitare en mai 1931. De retour à Paris, Django fréquente les musiciens de jazz dans les boîtes de la capitale, notamment la Croix du Sud, où il croise les saxophonistes André Équian et Alex Combel, et déjà un certain Stéphane Grappelli, pianiste et violoniste. Et Django est sollicité pour accompagner les chanteurs, on en possède quelques témoignages avec l'orchestre du théâtre d'Aunou ou bien des petites formations avec Michel Aimer au piano. Les voici par exemple derrière les voix d'Eliane de Creus et de Jean Sablon dans un charmant duo « Parce que je vous aime ». On y entend bien le guitariste. Nous sommes en mars 1933. Encore une scène de jalousie. Écoutez-moi. Je joue du piano. Alors, regardez-moi. Oh non. non, pas avec ces yeux-là. J'en ai pas d'autres. Aussi. Pourquoi m'avez-vous, monsieur, fait les gros yeux? Oui, monsieur. Quoi? Les gros yeux, c'est très audacieux. J'ai dansé, c'est bien mon droit, ce foxtrot, ou deux ou trois, vous boudez. Dites-moi pourquoi. Parce que je vous aime tout simplement, comme dans les poèmes ou dans les romans. Parce que je vous aime tout simplement, c'est la raison suprême de tous les amants. Pourquoi suis-je jaloux quand on danse avec vous une fois? Pourquoi vous ai-je dit des mots si hardis? De quel droit? Pour quelle raison? Dans quel sentiment? Parce que je vous aime simplement. Et dites-moi s'il vous plaît, que je sois inquiet ou gai, après tout, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, n'est-ce pas, qu'est-ce que ça me fait? Et que vous importe après tout, que je sois ou non jaloux, et pourquoi en souffririez-vous? Parce que je vous aime tout simplement, comme comme un feu m'envahir, et sous l'amour naissant, ma joue en rougissant me trahir. Pour quelle raison, parce que je vous aime, Eliane de Croix en duo avec Jean Sablon, avec le pianiste Michel Aimer, le batteur Max Eloy et surtout Django Reinhardt à la guitare. C'était le 14 mars 1933. On doit d'ailleurs à l'insistance de Jean Sablon de pouvoir écouter le premier solo enregistré de Django quelques mois plus tard, en janvier 1934. Merci Jean Sablon. André, qui en dirige cet orchestre, on le retrouve Michel Aimer au piano et pour la première fois réunis sur un enregistrement, donc le violoniste Stéphane Grappelli, c'est vrai qu'on ne l'entend guère ici, et le guitariste Django Reinhardt. Mon cœur en liesse, le jour où je te vis, tremble à l'ivresse, le jour où je te vis. Adieu détresse, adieu chagrin, souci, le jour où je te vis. La triste épave que j'étais jusqu'alors, désormais brave, les pires coups du sort. Tout est suave, tout me sourit depuis le jour où je te vis. L'histoire met sous nos yeux beaucoup de jours fameux, tant heureux que malheureux. Mais les hauts faits d'autrefois me laissent assez froid. Il n'est qu'un seul jour dans mon histoire à moi. Un jour d'extase, le jour où je te vis. D'amour sans phrase, le jour où je te vis. Et dont s'embrase mon cœur toujours ravi. Le jour où je te vis. Sans nul sourire, éclairant mon sort, comme un navire qui cherche le port. J'allais tout seul quand au jour de bonheur tu m'as paru tel un feu sauveur. Tant heureux que malheureux, mais les hauts faits d'autrefois me laissent assez froid. Il n'est qu'un seul jour dans mon histoire à moi, un jour d'extase, le jour où je te vis, d'amour sans phrase, le jour où je te vis, et on s'embrase, mon cœur toujours ravi. Le jour où je te vis. Le jour où je te vis, adaptation française de The Day You Came Along. Le chanteur Jean Sablon, accompagné par André Équian à la clarinette, Michel Aimer au piano et Django Reinhardt à la guitare pour la première fois en soliste en janvier 1934. Cette année sera décisive pour le guitariste à plusieurs titres. Il est repéré par les amateurs de jazz, notamment par Pierre Noury, l'un des créateurs du Hot Club de France, qui lui fait enregistrer à titre de démo 4 plages dans un petit studio pour les faire écouter à des professionnels. Django y est accompagné par son frère Joseph et par le contrebassiste Juan Fernandez. Daniel Nevers raconte dans le texte de pochette de l'intégrale Django Reinhardt qu'il a fait paraître sous sa direction sous le label Frémo et Associés. Noury voulut avoir l'avis des principaux critiques du moment. Il fit donc, avec les 80 francs dont il disposait, enregistrer dans un petit studio pour amateurs plusieurs disques souples à Django et Joseph, soutenus par le contrebassiste antillais Juan Fernandez. Les galettes furent ensuite expédiées à Hugues Panassier, à John Hammond, à Jos van Prague et Niesen en Hollande. Mais, ajoute Noury, à l'exception de la Hollande, les réponses furent défavorables. Dans d'autres milieux, en revanche, tel celui que fréquentait Jean Sablon, l'accueil fut nettement plus chaleureux et le guitariste inspira à Jean Cocteau un des personnages de ses Enfants terribles. Les disques envoyés aux experts avaient été gravés dans le courant du mois d'août 1934. Par la suite, Charles Delaunay, qui lui s'intéressa énormément au phénomène manouche, finit par les récupérer. Il les diffusa parfois dans ses émissions radiophoniques de l'avant-guerre, alors que Django avait acquis une notoriété certaine. Fin de citation. Voici l'un de ses tests sur le grand succès de l'original Dixieland Jazz Band, Tiger Rag. Thank you. Tagara, gravé en août 1934 à titre de test par le guitariste Django Reinhardt avec son frère Joseph et Juan Fernandez à la contrebasse. C'est la même année qui voit la fondation du quintet avec Stéphane Grappelli. L'orchestre est né de quelques échanges pendant les pauses du Claridge où Django et Stéphane se voient rejoints par le guitariste Roger Chaput et le contrebassiste Louis Vola. Django insistera par la suite pour bénéficier lui aussi de deux accompagnateurs pendant ses solos. Il intégrera donc son frère Joseph à la formation. Un premier concert est organisé par le Hot Club le 2 décembre 1934 à l'École normale de musique. La nouvelle formation est donc présentée comme le quintet du Hot Club de France, qui se retrouve en studio quelques jours plus tard, le 28 décembre. Daina, le quintet du Hot Club de France, tout neuf, le 28 décembre 1934. Stéphane Grappelli au violon, Django bien sûr à la guitare soliste, Joseph Reinhardt et Roger Chaput aux guitares rythmiques et Louis Vola à la contrebasse. On entend déjà ici tout le potentiel de cette nouvelle formation, aussi bien dans les solos que dans la manière d'accompagner les autres. C'est peut-être encore plus impressionnant lorsque Django accompagne le chanteur Jerry Mengo quelques semaines plus tard sur Sweet Sue. Every star above knows the one I love, sweet Sue, just you. And the moon up high knows the reason why, sweet Sue, it's you. No one else, it seems, ever shares my dreams. Without you, dear, I don't know what I'd do. In this heart of mine, you'll live all the time, sweet Sue, just you. Thank you. reason why, sweet Sue, it's you. No one else, it seems, ever shares my dreams. Without you, dear, I don't know what I'd do. In this heart of mine, you'll live all the time, sweet Sue, just you. Sweet Sue, chanté par le batteur Jerry Mengo, accompagné par le quintet du Club de France le 6 mars 1935 avec le violoniste Stéphane Grappelli en pleine forme dans son intervention à la fin de l'interprétation et surtout un Django Reinhardt très inspiré dans son accompagnement dynamique. Mais Django pouvait aussi être un accompagnateur très subtil. On le retrouve la même année de nouveau en partenaire de son ami Jean Sablon. La chanson est co-signée Johnny S. et Charles Trenet. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie, petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends et je m'ennuie, et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connu par une claire nuit. Le ciel était si doux, la mer si belle. Oui, mais voilà ce soir, j'ai froid et je m'ennuie. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? J'ai mes chaussettes qui font trempette. J'ai des frissons de la tête aux talons. Et dans la brume, j'attrape un rhume. Combien de garçons sont-ils morts de cette façon? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Nino! Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? Petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends là et je m'ennuie. Et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connu par une claire nuit. Dans tout le casino, c'était la fête. Pourquoi m'avoir dit oui tout en baissant la tête? Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? Rendez-vous sous la pluie de Johnny S. et Charles Trenet, chanté par Jean Sablon en décembre 1935 avec Stéphane Grappelli, cette fois-ci au piano, et Django Reinhardt à la guitare solo. France Musique. J'ai cité à plusieurs reprises le nom de Stéphane Grappelli, comme violoniste bien sûr, mais aussi comme pianiste à l'instant. Mais il ne faudrait pas oublier un autre grand violoniste de cette génération, Michel Warlop, avec lequel Django joue et enregistre. Et c'est un tout autre duo que celui qu'il forme avec Grappelli, le tempérament fougueux de Warlop l'entraînant sur d'autres terrains. Les voici réunis dans ce titre « Crazy Strings », gravé en avril 1936 par l'orchestre de Michel Warlop. Crazy Strings, la rencontre sur le terrain du blues entre le violoniste Michel Warlop et le guitariste Django Reinhardt, c'était en avril 1936. Quelques jours plus tard, Django Reinhardt retrouve le quintet du Hot Club pour une séance tout feu tout flamme, au cours de laquelle il grave notamment Limehouse Blues, qui, paradoxalement, n'est pas un blues. Thank you. Limehouse Blues, le quintet du Yacht Club de France en mai 1936 avec Stéphane Grappelli et Django Reinhardt en soliste, et puis Joseph Reinhardt et Barreau Ferret, guitare rythmique, et Lucien Simoens à la contrebasse. L'année 1937 sera aussi particulièrement riche pour le quintet, on en reparlera encore largement la semaine prochaine, mais voici d'ores et déjà un titre gravé cette année-là, le 26 avril 1937, The Shake of Araby. Django y fait montre d'une formidable invention dans ses phrases jetées comme des fusées avec une articulation démoniaque. The Shake of Araby, le quintet du Yacht Club de France le 26 avril 1937, avec Stéphane Grappelli et Django Reinhardt, bien sûr, et puis Barreau Ferret, Marcel Bianchi, guitare rythmique, et Louis Vola, contrebasse. Nous retrouverons le quintet en majesté la semaine prochaine avec de formidables chefs-d'œuvre, mais je voudrais pour la dernière partie de cette émission vous faire écouter quelques enregistrements hors quintet, tous réalisés entre le printemps et l'automne de cette même année 1937. À commencer par cet étonnant solo hors tempo de Django, logiquement intitulé Improvisation numéro 1. Nous sommes le 27 avril 1937. Improvisation numéro 1, Django Reinhardt en solo le 27 avril 1937. Le lendemain se tient une séance d'enregistrement historique qui associe des musiciens américains de première catégorie, l'altiste Benny Carter et le ténor Coleman Hawkins, à leurs collègues français André Équian et Alix Combelle. Ils sont soutenus par Stéphane Grappelli ici au piano, Django Reinhardt à la guitare, Eugène Delhem à la contrebasse et Tommy Benford à la batterie. La séance se déroule en soirée, l'arrangement est réalisé sur le moment et les ingénieurs du son ont quelques difficultés à enregistrer cette drôle de formation avec quatre saxophonistes. Mais le résultat est là, somptueux, notamment dans ce Honeysuckle Rose crânement dominé par le solo de l'impérial Coleman Hawkins. Thank you. Coleman Hawkins et Alix Campbell, saxophone ténor, Benny Carter et André Équian, saxophone alto, Django Reinhardt, guitare, Stéphane Grappelli, piano, Eugène Delhem, contrebasse, Tommy Benford, batterie, ici dans Honeysuckle Rose de Fats Waller, à Paris, le 28 avril 1937. Le même soir, les mêmes protagonistes gravent aussi une version tout aussi convaincante de Crazy Rhythm. Les deux titres constitueront l'acte de naissance du célèbre label Swing, créé par Charles Delaunay, qui est alors le manager du quintet. Voici ce Crazy Rhythm. Crazy Rhythm, magnifique version gravée le 28 avril 1937 par Coleman Hawkins et Alix Campbell, ténor, Benny Carter, André Équian, alto, Django Reinhardt, guitare, Stéphane Grappelli, piano, Eugène Delhem, basse, Tommy Benford, batterie. Autre gravure hors quintette, le 9 septembre de la même année, Django est en studio avec l'orchestre du trompettiste Philippe Brun, mais on en profite aussi pour faire enregistrer au guitariste deux titres en formation plus réduite, avec à ses côtés un deuxième guitariste, il s'appelle Louis Gastet, plus connu plus tard sous le surnom de Loulou, et le contrebassiste Eugène Delhem. Django y converse en quelque sorte avec lui-même sur ce classique de W.C. Handy, St. Louis Blues. Thank you. St. Louis Blues, Django face à lui-même le 9 septembre 1937 avec le soutien du guitariste Louis Gastet et du contrebassiste Eugène Delhem. Toujours dans ses gravures en parallèle à la discographie du Quintet du Hot Club, quelques jours plus tard, Django Reinhardt est confronté à un pupitre de trois violonistes. Il y a là, bien sûr, son partenaire régulier, Stéphane Grappelli, Michel Varlop, qu'il connaît bien, et puis un troisième, le grand violoniste américain Eddie South. C'est avec cette rencontre au sommet que nous allons refermer la première émission de ce feuilleton Django. Nous sommes le 29 septembre 1937 et le titre est signé de George Gershwin, disparu quelques semaines plus tôt, en juillet de la même année, Lady Be Good. Thank you. Lady Be Good, le trio de violon, Michel Varlop, Stéphane Grappelli et Eddie South, avec Django Reinhardt à la guitare solo, c'était le 29 septembre 1937. Ainsi se referme All That Jazz, 18e épisode. Merci à Léa Racine qui nous a aidé à préparer cette émission, à Christine Amado pour la réalisation. Et soyez swing, soyez bop, soyez cool, soyez free. And all that jazz.